بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد نواصل دراستنا في كتاب القواعد المثلى سائلين الله عز وجل أن ينفعنا بهذا العلم وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وبعد وصلنا إلى دراسة القواعد القاعدة السابعة في أسماء الله عز وجل وقلنا أن المصنف ذكر هذه القاعدة يعني القاعدة السابعة ألا وهي الإلحاد في أسماء الله تعالى فقال الإلحاد بمعنى الميل بها عما يجب فيها عما يجب فيها إذن المصنف رحمة الله عليه ذكر المعنى الإلحاد في أسماء الله تعالى ما معنى الإلحاد هو الميل بها الميل بها عما يجب فيها عما يجب فيها قال الإلحاد في اللغة قال الميل ومنه اللحد في القبر لأنه مائل إلى جانب منه وأما في أسماء الله الذي حذر منه سبحانه وتعالى قال جل وعلا وذروا الذين يلحدون في أسمائه فهو الميل بها عما يجب فيها كما قلنا وهذا الضابط للإلحاد في أسماء الله في أسماء الله تعالى فمثلا وضرب مثالا قال لو سميت الله بغير ما سمى به نفسه لكنت ملحدا في الأسماء لأن الواجب الاقتصار على ما ورد به النص لأنها توقيفية ولو أثبتت الأسماء دون ما تضمنتها من الصفات لكنت ملحدا فيها لأن الواجب إثباتها مع ما تضمنته من الصفات وسيأتي بإذن الله بيان ذلك كما ذكر المصنف Donc on va continuer inshallah sur l'étude des règles exemplaires concernant les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans la dernière assise, on est arrivé à la septième, règle. On a dit les premières règles, les sept premières règles qu'on a étudiées, elles sont liées aux règles concernant les noms. Al-Asma, Al-Husna, les noms sublimes de notre Créateur Subhanahu wa Ta'ala. Et on a dit que cette septième règle qu'a mentionné l'auteur, Allah wa huwa, Cheikh Mohammed ibn Salih al-Athaymin, rahmatullahi alayh, c'est la dernière règle concernant Al-Asma, concernant les noms. Ensuite, après l'étude de cette règle, il va commencer l'évocation de règles liées aux attributs, appelés divins. Et c'est pour ça que ces sept premières règles qu'on a étudiées depuis le début sont liées au nom. Al-Asma al-Husna. Pourquoi ? Parce que Al-Qawaid al-Muthla, les règles souvent traduites par ce livre qui est souvent traduite l'œuvre par les règles exemplaires concernant les attributs d'Allah et ses noms. Et ses noms qui sont qualifiés comme Husna. Husna, on avait expliqué le terme Husna dans des assises précédentes. Donc dans cette règle, on revient à notre règle, Al-Qa'adatu Al-Sabira, l'auteur nous explique Al-Ilhad, le terme en arabe, Al-Ilhad. Dans cette règle, on apprend que l'Ilhad est interdit. Et Allah interdit de faire l'ilhad concernant ses noms. Pour cela, dans la règle, il dit Al-ilhad fi asma'illahi ta'ala. Il va nous expliquer qu'est-ce que l'ilhad. Et Allah, dans le verset 180 dans Surat Al-A'raf, nous dit de délaisser et de s'écarter de ceux qui font l'ilhad au sujet de ses noms. Et donc, l'ilhad au sujet de ses noms est interdit. Mais qu'est-ce que l'ilhad ? L'ilhad, l'auteur nous l'explique très simplement en disant « وَالْمَيْلُ بِهَا عَمَّ يَجِبُ فِيهَا » C'est le fait de dévier de ce qui nous est obligatoire, ce qui nous incombe, au sujet des noms divins. C'est-à-dire, il y a certaines choses qui nous sont obligatoires. D'y croire, de les affirmer, de les confirmer, comme on l'a cité précédemment. Le fait de s'écarter, de dévier de cela, amma yajibu fiha, alors c'est ce qu'on appelle al-mail. Wa hadha huwa al-ilhad. Ça, c'est ce qu'on appelle al-ilhad. C'est le fait de pencher vers autre chose, littéralement. Al-mail, c'est le fait d'être ma'il, de pencher vers autre chose que ce qui nous est obligatoire, ce qui nous incombe face au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est ça ce qu'on appelle al-ilhad. Et donc l'auteur ensuite, si on a bien compris cela dans la dernière assise, et là je vous ai relu le passage où l'auteur nous a expliqué le terme al-ilhad, et on a bien explicité cela dans la dernière assise, on peut continuer. L'auteur ensuite nous dit, et va nous citer différentes sortes de ilhad, c'est-à-dire de ce qu'il ne faut pas faire. Et on a dit, il va citer 4 catégories, 4 sortes de ilhad. Et maintenant, on peut rester sur le terme en arabe, puisqu'on a bien explicité le sens de celui-ci. On avait dit la première chose, l'imbab al-muraja'a, ou sinon, ce qu'on peut faire, on reprend directement en troisième. Puisqu'hier, on avait fait la première et deuxième catégorie. Ce qu'on fait, pour être dans la continuité, pour avancer, on reprend à la troisième, puisqu'hier, on avait lu en arabe et il nous manquait de traduire et d'expliquer. Donc, on reprend directement à la troisième sorte. Ensuite, une fois qu'on a terminé la quatrième sorte, on révise les quatre. On réitère les quatre. Vous préférez comme ça, ou je reprends, on reprend tout de suite une révision, on reprend la première, on révise brièvement la première et la deuxième, ensuite on continue sur la troisième et la quatrième, ou bien on peut continuer directement sur la troisième et la quatrième, et ensuite revenir et reciter les quatre avec une révision des deux premières. Ya Jamara, vous préférez quoi? D'accord, on fait la troisième et la quatrième, ensuite on révise. D'accord. Donc, nous, on sait le kalam. Donc, on continue. Al-Thalithu. La troisième sorte de ilhad, c'est-à-dire ce qui nous est interdit, ce qu'on ne doit pas faire, ce qui est une dérive, et c'est le fait de s'écarter de ce qui nous est obligatoire et ce qui nous incombe face au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme croyance par rapport au nom d'Allah. Le fait de nommer Allah par autre nom que par lequel il s'est nommé. De nommer le Créateur par un autre nom dont il s'est nommé. C'est-à-dire de l'appeler et de le nommer par autre que par ce quoi il s'est nommé. An yusamma Allahu ta'ala bima lam yusammi bihi nafsa. C'est de nommer Allah, de l'appeler par ce qu'il ne s'est pas nommé. D'utiliser des noms et de l'appeler, de le nommer par ses noms, alors qu'Allah Jalla wa'ala ne s'est pas nommé par ses noms. Comme par exemple, عند النصارى. النصارى par exemple, qui l'ont appelé le père. Al-Abb, le père. Allah Jalla wa'ala ne s'est pas appelé le père. Et donc, le fait de l'appeler, de le nommer, de lui donner un nom qu'il ne s'est pas lui-même donné, c'est du ilhad. Et il dit: wa tasmiyat al-falasifati iyyahu العلة الفاعلة. العلة الفاعلة. Comme aussi certains, plus tard, philosophes, qui lui ont donné appellation aussi, et qui ont nommé Allah, subhanahu wa ta'ala, par ceux qui ne sait pas, ou par ceux avec quoi il ne sait pas nommer. Comme par exemple, lorsqu'ils ont nommé Allah Azza wa Jal par Al-Illatul Fa'ila. Al-Illatul Fa'ila. Souvent traduite par la cause efficiente. La cause efficiente. C'est-à-dire celle qu'il fait. Celle qui fait. Dans le commentaire de ce passage, l'auteur nous dit والفلاسفة سموه علة فاعلة والعلة الفاعلة في الحقيقة هي أمر لا وجود لها في الخارج وإنما يفرضها الذهن يعني يفرض أن شيئا عما أوجد الخلق أوجد الخلق لكن لا وجود لها في الخارج ومعلوم أن ما يفرضه الذهن إذا لم يوجد في الخارج فهو تخيل لا حقيقة له كالإنسانية مثلا فكل بني آدم مشتركون في الإنسانية هذه كلية عامة لكن هل هناك شيء يسمى الإنسانية؟ الجواب لا الجواب لا فهناك إنسان لكن ليس هناك إنسانية يعني عامة هكذا العلة الفاعلة ليس لها وجود في الواقع لأنها إنما هي تخيل تخيله الإنسان وقال إن هذه الموجودات لابد أن يكون لها موجد وهذا الموجد ليس رب العالمين لكنه علة يسمونها علة فاعلة يعني لابد أن يقع معلولها. Là, je vous ai lu l'explication très pertinente de l'auteur lui-même, de Cheikh Ibn al-Uthaymeen, concernant ce passage-là, lorsqu'il parle de philosophes qui nomment le créateur, celui qui a créé ce monde, comme Al-Illat Al-Fa'ila, traduite par la cause efficiente. De sorte, lui, Cheikh Ibn al-Uthaymeen, lorsqu'il dit cela, et comme il est l'auteur justement de l'œuvre, est très pertinent de lire son explication, puisque l'auteur de l'œuvre est mieux à même d'expliquer le voulu de ses paroles. Et donc il dit, lorsqu'il fait allusion à certains philosophes, en citant cette appellation-là, Al-Illatu Al-Fa'ila, il dit en fait, Al-Illatu Al-Fa'ila, ce qu'il nomme la cause efficiente, en réalité, la wujud alaha. Elle n'est pas existante, cette cause-là. Cette cause efficiente, en réalité, elle est non existante. Du fait que pour eux, à l'extérieur, elle est non existante à l'extérieur, fil kharij, innama yafridu adh-dhihn, mais ça, c'est ce que s'impose l'esprit, ce que s'impose certains esprits, l'esprit de l'être humain. Donc certains s'imposent, dans leur esprit, ils s'imposent cette chose-là, ils pensent à cette chose-là, c'est-à-dire que pour eux, c'est quelque chose qui est général, qui aurait été la cause de l'existence de ce monde. Pour ça, ils appellent ça l'illatu al-fa'ila. Ici, c'est traduit de manière littérale. L'illatu al-fa'ila, la cause efficiente. Mais plus simplement, la cause qui a fait. La cause qui est actrice. Qui est actrice. L'illatu al-fa'ila. Donc, c'est quelque chose de général qui aurait été cause de l'existence de ce monde. L'existence de ce monde. Et donc, cette partie de philosophe, c'est ce qu'ils ont à l'esprit. Sauf que l'auteur, il dit en réalité, ça, c'est quelque chose, en réalité, d'imaginaire, qui en fait n'est pas réel, n'a pas de réalité concrète. C'est quelque chose, at-takhyil, c'est quelque chose en arabe qu'on s'imagine. C'est quelque chose d'imaginaire, d'illusoire. Par exemple, lorsque un Un sorcier, par exemple, il fait des tours de magie, on dit « yukhayyil ilayk », il te fait des sortes d'illusions. Et ce que tu vois, c'est, en fait, c'est des illusions, c'est imaginaire. Et là, il dit « filkhaj fahuwa takhyilun la haqiqata lahu ». Mais en réalité, il n'y a pas de réalité dans cela. Comme par exemple, il va donner l'exemple « kal insaniya », le mot qu'on appelle l'humanisme. L'humanisme. Mathalan, فَكُلُّ بَنِي Adam, l'auteur nous dit, en fait, tous les enfants de Adam, puisqu'en réalité, tous les êtres humains sont la progéniture et la descendance du père Adam, le père de l'humanité, Adam. Et donc, le premier homme, c'est Adam, qui a vécu sur terre. Et Adam aussi était prophète, comme on l'avait déjà dit, فَهُوَ نَبِي, puisque un jour les compagnons ont interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de Adam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont demandé هَلْ هُوَ نَبِي فَقَالَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى أَلِهِ وَسَلَّمْ نَعَمْ. Et le prophète a dit oui, donc il était prophète. Et donc on avait déjà expliqué que l'existence de l'homme ensuite sur terre, que pendant des siècles, les hommes ont vécu sur un monothéisme pur, était monothéiste. Et il vouait adoration à Allah subhanahu wa ta'ala, les premiers hommes qui ont vécu sur terre dans les premiers siècles. Dans les premiers siècles. Pourquoi? Parce qu'ils étaient sur le prêche et l'appel de leur père Adam, le père de l'humanité. Comme c'est rapporté dans le Athar d'Ibn Abbas, qui stipule pendant 10 siècles, jusqu'à ce qu'ensuite il y aura l'envoi du premier messager. L'envoi du premier messager. Et donc là, faire la distinction entre un prophète, Nabi, et Rasoul. Et Rasoul. Et l'avis d'une grande partie de savants qui considèrent, parce que c'est un grand débat chez les savants, mais l'avis le plus juste et le plus plausible, qui considère que le premier messager est Nuh alayhi as-salam. Le premier messager envoyé sur terre pour les hommes est Nuh alayhi as-salam lors de l'apparition du polythéisme sur terre. Et donc, al-insaniya, donc tous les hommes sont des insan. Les êtres humains, la descendance de Adam, sont tous insan, sont tous des hommes, des êtres humains. Sont tous des êtres humains. فَكُلُّ بَنِي Adam مُشْتَلِكُنَ فِي الْإِنْسَانِيَّةِ. Donc nous, tous les êtres humains, on participe, on a ce lien, ce point commun, lié à ce qu'on appelle l'humanité. Al-insaniya. On a ce point commun. C'est que, en quelque sorte, l'histoire de l'homme est liée et on est tous des hommes. Donc, al-insaniya, l'humanité, c'est tous notre point commun. Sauf que le shirk, qu'est-ce qu'il dit ? Hadi kulliyatun amma. Sauf lorsqu'on dit l'humanité, c'est quelque chose de général. C'est quelque chose qui englobe et qui est général. Regardez ce qu'il va dire. Lakin hunaka shay'un yusamma al-insaniyya. Il dit cette chose-là qu'on appelle humanisme. Cette chose-là qu'on appelle humanisme. En réalité, n'existe pas concrètement. Il n'y a pas quelque chose humanisme. C'est quoi qui existait l'homme? Concrètement, ce qui est vivant, ce qui vit et ce qui est réel, c'est l'homme. L'humanisme, c'est quelque chose qui n'est pas existant en quelque sorte. C'est quoi qui est existant? C'est l'homme. Sauf que l'insaniya, ce n'est pas quelque chose en réalité d'existant. Dans notre esprit, c'est existant. Mais en réalité, concrètement, c'est quoi qui existe? Et qui a une existence? C'est l'homme. L'être humain a une existence. Et lui, il existe. Hakada. Il dit comme cela, ce qu'il y a dans leur esprit, ce qu'ils appellent la cause efficiente, comme cela, en réalité, laysa wujudun fil waqi'. En réalité, il n'y a pas d'existence pour celle-ci, pour cette cause efficiente. Li'annaha innama hiya takhyilun. Parce qu'il dit qu'en réalité, c'est juste lié à l'imaginaire de l'homme. Wa qala inna hadhihi al-mawjudat. Pourquoi? Parce qu'eux, ils se sont dit que toutes ces choses, toutes ces créatures existante, la Buddha an yakun laha mujid. Forcément, il y a quelqu'un, quelque chose qui lui a donné existence à cette créature, à ces créatures existantes. وَهَذَا الْمُوْجِدُ لَيْسَ رَبَّ الْعَلَمِينَ. Mais pour ces philosophes-là, celui qui a donné existence à ces créatures existantes, ce n'est pas le Seigneur de l'univers. C'est la illatul fa'ila. C'est la cause efficiente pour eux, celle qui a fait. لَكِنَّهُ عِلَّةٌ يُسَمُّونَهَا عِلَّةً فَعِلَى. Mais pour eux, c'est une cause qui est à la cause de ce monde. يَنِي لَبُدَّ أَنْ يَقَعَ مَعْلُولُهَا. Comme cela, ensuite, il nous explique donc ces dires. قَالَ وَذَلِكَ لِيَنَّ أَسْمَاءَ اللَّهِ تَعَلَى تَوْقِفِيَّةٌ. Pour revenir à notre troisième catégorie ici de l'Ilhad, donc c'est le fait de nommer le Créateur. L'auteur nous a donné des exemples. On ne peut pas appeler Allah Jalla wa'ala, le nommer par une chose dont il ne s'est point nommé. On ne peut pas lui donner une appellation, un nom, alors que lui ne s'est pas nommé par ce nom-là. C'est ça tout simplement la troisième catégorie. Pourquoi ? Parce qu'il dit, comme on l'a appris précédemment, les noms d'Allah Azzawajal, c'est ce qu'on appelle tawqifiyya. Ils sont tawqifiyya. Et donc tawqifiyya, on l'a appris dans la cinquième règle. Si je ne me trompe pas, c'est bien ça. On avait appris cela dans la cinquième règle. Puisque là, on est dans la septième règle. La règle d'avant, c'était liée au fait que les noms d'Allah Azzawajal ne sont pas restreints à un nombre. Et la règle d'avant, la cinquième, c'était liée au fait que les noms d'Allah Azzawajal sont tawqifiyya. Donc la cinquième règle. La cinquième règle. Et donc, tawqifiyya, c'est dans le sens que on n'outrepasse pas. On se limite au texte. On se limite au texte du noble Coran et la sunna du prophète ensemble concernant les noms divins. On ne peut pas inventer. Puisqu'Allah, Jalla wa'ala, c'est lui qui nous informe à son sujet. Et donc, فَتَسْمِيَةٌ اللَّهِ تَعَالَى بِمَا لَمْ يُسَمِّي بِهِ نَفْسًا مَيْلٌ بِهَا عَمَّا يَجِبُ فِيهَا. كما أن هذه الأسماء التي سموه بها نفسها باطلة ينزه الله تعالى عنها. Et donc cette catégorie là, Cheikh nous termine en disant, et donc si on nomme, on appelle le Créateur, Allah, on lui donne un nom, alors que lui ne s'est pas appelé par ce nom, il ne s'est pas nommé par ce nom, on a dévié des obligations qui nous incombent face au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous comprenez ? C'est quoi Al-Ilhad ? Cette catégorie d'Ilhad, donc Al-Mail. Al-Mail. Surtout, il rajoute un deuxième point, surtout lorsque le nom qui lui a donné, ou qui lui a été donné, par lequel il a été nommé, surtout lorsqu'il est faux en plus. Surtout si on le nomme, premièrement par un nom dont le Créateur ne s'est pas nommé par ce nom-là, mais si deuxièmement, en plus, le nom qu'on lui donne est faux. Comme par exemple le Père. Le Père. A savoir que dans le Coran, Allah Jalla wa'ala nous dit قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ الصَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ اللَّهُ أَحَدْ. Allah est l'unique, le seul. اللَّهُ الصَّمَدْ. صَمَدْ. الصَّمَدْ, on a appris, il fait partie des noms sublimes d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi l'asma al-husna. الصَّمَدْ, que l'auteur avait recensé dans les noms avec le As-Sad, puisque Mashallah, il avait fait avec les lettres, dans l'ordre des lettres. As-Sad, As-Samad. Et Allah nous dit qu'il est As-Samad. Alladhi lam yalid, celui qui n'a pas été enfanté et n'a pas enfanté. Alladhi lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Celui donc qui n'a pas de parents et n'a pas d'enfant. Il n'a pas de progéniture. Lam yalid ou lam yulad. Donc Allah Jalla wa'ala, on ne peut pas, le Créateur, lui attribuer des parents, une mère, ou une compagne, une épouse, ou bien des enfants. Puisqu'Allah nous informe à son sujet en nous disant Qul, dit Allahu Ahad. C'est ce qu'on appelle la sourate de la pureté. La sourate de la pureté. Et cette sourate-là, elle équivaut au tiers du Coran. Donc imaginez-vous l'importance de cette sourate. Pourtant, elle est courte. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدُ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Et personne lui est égal et semblable au Créateur subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que, en réalité, c'est une sourate qui est immense. Immense. Tellement qu'elle est immense, le prophète sallam a dit, elle équivaut au tiers du Coran. Pour ça, il nous est même rapporté un hadith qu'un compagnon avait l'habitude dans ses prières de toujours réciter « Qul wallahu » et rajouter toujours « Qul wallahu ahad ». Tellement là, la sourate est immense. Donc ça, c'est en ce qui concerne la troisième sorte. Donc la troisième sorte de « ilhad », c'est tout simplement ne pas donner un nom à Allah, ne pas appeler Allah par un nom dont il ne s'est pas appelé lui-même. Et c'est ça le bon comportement que le croyant doit avoir avec le Créateur. Ça fait partie du bon comportement que le croyant doit avoir envers le Créateur. Pourquoi ? Parce que la bonne croyance, c'est le bon comportement vers le Créateur. Donc, pour terminer cette troisième sorte, ne pas donner un nom, ne pas appeler Allah par un nom qu'il ne s'est pas donné, et dont il ne s'est pas nommé par celui-ci. Ar-rabi'u, la quatrième catégorie, qala anushtaqqa min asma'i asma'un lil asnam. كما فعل المشركون في اشتقاق العزة من العزيز واشتقاق اللات من الإله على أحد القولين فسموا بها أصنامهم وذلك لأن الله تعالى مختص به لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وقوله تعالى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وقوله تعالى له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض فكما اختص بالعبادة وبالألوهية الحق وبأنه يسبح له ما في السماوات والأرض فهو مختص بالأسماء الحسنى فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص بالله عز وجل ميل بها عما يجب فيها. La quatrième et dernière catégorie de ilhad que l'auteur mentionne, il dit le fait de faire dériver à partir des noms d'Allah des noms pour des idoles. C'est-à-dire donner à des idoles des noms qui dérivent en réalité des noms d'Allah. Qui dérivent des noms d'Allah. Pourquoi il cite cela ? Parce que c'est le sens de l'ilhad. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque du prophète, Quraysh, les gens qui vivaient à la Mecque, les polythéistes arabes, Quraysh l'avaient fait. Ils avaient nommé certaines de leurs idoles, ils leur avaient donné des noms qui dérivaient de noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. A savoir que, comme on avait dit, les polythéistes arabes à l'époque du prophète, sallam, ils croyaient en Allah. Allah nous dit dans le Coran, « Wa la in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal-ard la yaqulun Allah ». Et si tu leur demandes qui est-ce qui a créé les cieux et la terre, ils te diront, c'est Allah. Et donc, les polythéistes arabes, ce qui est rapporté, c'est que certaines de leurs idoles, parfois, leur nom dérivé de nom d'Allah, comme Al-Uzza. Certains disent que Al-Uzza dérive de Al-Aziz. Que Al-Uzza dérive du nom Al-Aziz. Al-Aziz, vous avez vu, on l'avait appris dans le chapitre précédent, qui fait partie, Al-Aziz, des noms sublimes d'Allah, des noms d'Al-Asma, ou plutôt rester sur le terme en arabe, Al-Asma ul-Husna, Al-Asma ul-Husna. Donc, Al-Uzza, leur célèbre idole, que les polythéistes arabes avaient à l'époque, Quraysh, Al-Uzza dérive du nom Al-Aziz, Al-Aziz. Il y a aussi, Il y a aussi, selon l'avis de certains savants, le nom Al-Lat. Vous avez vu, l'une de leurs idoles s'appelait Al-Lat. Pour ça, le Coran, dans le verset, il dit Al-Lat wal-Uzza. Al-Lat wal-Uzza. Al-Lat, certains stipulent qu'il dérive du nom Al-Ilah. على أحد القولين على أحد القولين. Et donc pour cela on voit qu'il est rapporté que les polythéistes arabes à l'époque pouvaient donner des appellations et des noms à leurs idoles qui dérivaient de noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. On vient dans l'explication de ce passage. Vous avez dans le Sharh où vous voyez les Amti 1, ensuite en bas il met Amti 1, ça veut dire que Shir commande ce passage-là. L'auteur, il va commenter ce passage. Regardez ce qu'il dit, c'est très pertinent. Il dit Asma'ullah ta'ala dallatun 'ala at-tawhid. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut savoir dans l'explication, il nous explique. Les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala indiquent son unicité. Les noms d'Allah, ils indiquent son unicité. At-tawhid. Ils indiquent at-tawhid. Fa'ida ishtaqqa minha asma'an wa ja'alaha lis-salam fa hada ilhad. Donc, si la personne, il prend des noms, ou plutôt donne des noms à des idoles qui dérivent de noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors il a penché et s'est écarté de ses obligations qui lui incombent face au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire qu'il a sorti de leur sens les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous comprenez? Et donc, comme les noms d'Allah indiquent tous l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de faire dériver des noms et de les appeler, et d'appeler leur idole par ces noms-là, c'est du ilhad. C'est du ilhad. Qala, li'anna asma Allahi munafiyatun ghayat al-munafati lish-shirk. Pourquoi? Parce que les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala contredisent, nient toute forme de polythéisme. Nient toute forme de polythéisme. Donc celui qui croit en Allah et en ses noms, il ne peut croire aux formes de polythéisme et au shirk. Et donc, ça contredit et nie toute forme de polythéisme. فَكَيْفَ يَجْعَلُهَا دَرَجَةً وَسُلَامًا وَسُلَّامًا إِلَى الشِّرْكِ. Donc comment la personne ensuite, il peut faire des noms d'Allah Jalla wa'ala un moyen progressif pour accéder au shirk et au polythéisme. Pour accéder au shirk et au polythéisme. Pourquoi? Puisque au départ, ils appellent, donnent des noms qui dérivent de noms d'Allah, et ensuite tout cela se concrétise par l'adoration de ses idoles. Par l'adoration de ses idoles. Donc comment celui qui comprend les noms du Créateur subhanahu wa ta'ala peut les utiliser pour ensuite que des noms en soient dérivés et que ceci soit donné à des idoles qui seront ensuite adorées en dehors du Créateur subhanahu wa ta'ala. Vous comprenez le sens de Al-Ilhad. Fa'hawla sammu l'uzza min al-aziz. Ma'an al-aziz muzakkarun wa l'uzza mu'annathun wa alhamdulillah. أنهم يسمون أصنامهم بالإناث أما اللات ففيها قولان. Et il dit par exemple, comme il a cité précédemment, le nom de l'idole des Arabes à l'époque était connu. Al-Uzza, ça dérive du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Aziz. Ça dérive du nom Al-Aziz. Alors qu'il dit que Al-Aziz, le nom, il est Muzakkar. Le nom, il est Muzakkar. Al-Uzza, c'est Mu'annath. Alors que l'Uzza, c'est Mu'annath. En ce qui concerne Al-Lat, Al-Lat, certains savants ont dit que le nom Al-Lat, vous connaissez la divinité qu'ils avaient à l'époque, les polythéistes arabes, Al-Mushrikoun, qu'ils avaient nommé Al-Lat. Al-Lat, certains savants considèrent que ce nom-là dérive du nom Al-Ilah, du nom d'Allah Al-Ilah. Mais il y a deux avis. Il y a deux avis sur la question. القول الأول البرومير أفي إن اللات بتخفيف التاء بتخفيف التاء مشتق من الله فنقلوا اسم الله إلى اسم هذا الصنم مع تغيير يسير. Certains savants, ils ont été d'avis, le premier avis, il y a deux avis sur la question. Le premier avis, certains savants, ils ont été d'avis que اللات en réalité dérive du nom Allah. C'est pris du nom Allah. فنقلوا اسم الله الى اسم هذا السلام. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Avec un changement yassir, avec un petit changement, avec le ta, en rajoutant le ta, allat, allat. Al-Qawl Thani, le deuxième avis chez les savants, c'est que ce nom de cette divinité des polythéistes arabes, inna allat bitashdid al-ta ismun fa'il. Certains disent allat, vous avez vu, avec un ta léger, si on peut dire de la sorte, et on a allat avec un ta mushaddad, mushaddad, où on insiste sur le ta, il y a une shidda, allat, allat. Et dans ce sens-là, si on rajoute shidda sur le ta, donc on a allat et on a allat. Si on rajoute la shidda, c'est dans le sens de ismun fa'il. C'est, là il devient acteur. Ismun fa'il, celui qui fait l'action. Wa huwa rajulun kana yaluttu as-sawiq lil-hujjaj. Lil-hujjaj. Ay yuthrihi bil-ma was-samni wal-aqiti wa ma ashbaha dhalik. C'est-à-dire, c'était un homme qui préparait un aliment pour les pèlerins et qui donnait cela aux pèlerins. Et qui donnait cela et nourrissait les pèlerins avec cela. Donc il est rapporté que c'était un bienfaiteur et il donnait de ce mets qu'il préparait. C'était du semn avec de l'eau, qu'il préparait donc ce mets et les pèlerins mangeaient de son mets. Et donc il est dit dans l'histoire que c'était un homme bienfaiteur. Sauf que lorsqu'il est mort ensuite, il est dit que les gens commencent à stationner devant sa tombe. Lorsque cet homme, à la base, selon cet avis-là, avec Shidda al-Lat, ils disent ensuite lorsqu'il est mort, du fait que c'est un bienfaiteur, les gens commencent à faire le rukouf, hawla qabrihi, autour de sa tombe, à stationner autour de sa tombe. Thumma attakhadhuhu ilahan. Et plus tard, il fut pris comme divinité et idole en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Fa'ana hadha al-qawl la takunu min bab al-ilhad fi al-asma, li'annahum lam yanqulu isma Allah ila hadha al-salam, bal innama sammu rajulan wasafuhu bil-lat, wa lamma mata 'akafu 'ala qabrihi thumma 'abaduhu. Par rapport à notre sujet, quelle est la différence entre le premier avis et le deuxième avis? Si on lit Al-Lat sans qu'il y ait une shidda sur le ta, et donc on dit qu'il dérive du nom Al-Ilah, du nom Allah, ou bien le deuxième avis de savant qui considère qu'Al-Lat avec une shidda sur le ta, ce sera un homme qui préparait un mets pour les pèlerins, et dont les pèlerins ensuite s'alimentaient de ce mets. Et donc il était bienfaiteur. Et lorsqu'il est mort, ensuite les gens commencent à stasser devant sa tombe jusqu'à ce qu'il fût pris comme adoré en dehors d'Allah. C'est quoi la différence? Vous savez pourquoi Cheikh le cite, la faïda? Par rapport au sujet, la différence? Tout simplement, il dit, selon le deuxième avis, c'est pas du ilhad. Tout simplement, selon le deuxième avis, si c'est Al-Lat avec Shidda sur le ta, c'est pas du Al-Had. Pourquoi? Parce que là, ça dérive pas d'un nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est le nom d'un homme. Il a été appelé ainsi. Pourquoi? Parce qu'il préparait ce mets pour les pèlerins. Et ce mets, ensuite, les pèlerins s'alimentaient de ce mets. Et ensuite, plus tard, du fait que c'était un bienfaiteur, un homme bienfaisant, plus tard, les gens commencent à stationner autour de sa tombe. Et avec le temps, il fut pris comme adoré en dehors du Créateur, il fut adoré. Et donc, c'est pas son nom, Al-Latta, ne dérive pas donc d'un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, selon ce deuxième avis, ce n'est pas du Ilhad. Ce n'est pas du Ilhad. On ne parle pas de le fait qu'il soit ensuite, qu'il fut dans le futur ensuite, plus tard, pris comme adoré en dehors d'Allah. On ne parle pas de ça. Ça, c'est du shirk. Mais on parle de Al-Ilhad fi Asma'illah. Le fait de faire l'ilhad Fiasmaïla. C'est pour ça qu'il dit bien dans le texte que selon l'un des deux avis, Allat serait dérivé du nom Al-Ilah, du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Ilah, selon l'un des deux avis. Pour ça, il stipule bien ça chez Al-Athaymin, puisqu'il y a deux avis sur la question. Et donc, il cite le premier avis. Pourquoi ? Parce que c'est selon le premier avis que c'est considéré comme du Ilhad, comme du Ilhad. Taïb. Ça, c'était la quatrième sorte de l'Ilhad. وَالْإِلْحَادُ بِجَمِعْ أَنْوَاعِ مُحَرَّمٌ. Et ensuite, l'auteur conclut en disant, et ces quatre catégories de Ilhad qu'on a citées, toutes sont interdites. Il n'y en a pas une qui est permise. Elles sont toutes interdites. Elles sont toutes considérées comme du Ilhad. لِأَنَّ اللَّهَ تَعْلَى هَدَّدَ الْمُلْحِدِينَ بِقَوْلِهِ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Puisqu'Allah Jalla wa Ala ensuite dit à leur rencontre, laissez ceux qui font les ilhad au sujet de ces noms, c'est-à-dire des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est yujzauna, ils seront rétribués pour ce qu'ils faisaient. Ils seront rétribués, donc Allah les menace en leur disant, ils seront rétribués pour ce qu'ils auront fait. Pour ce qu'ils auront fait. Donc Allah, Jalla wa Ala, nous ordonne de nous écarter de cela, de ceux justement qui ont fait l'ilhad au sujet de ces noms. فَالْأَنْوَاعُ الْآنْ أَرْبَعَةً وكلها يقول عنها المؤلف الإلحاد بجميع أنواعه محرم لأن الله تعالى هدد الملحدين بقول وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وكلمة ذروا فعل أمر والمراد بها التهديد كما يقول القائل للشخص الذي أمسك مجرما قال له خليه عنك يريد أن يفتك به فقوله وذروا الذين يعني اتركوهم أنا وعاقبهم ولهذا قال سيجزون ما كانوا يعملون والسين هذه للتنفيس لا التسويف يعني للذي يأتي بقرب اعلم أن السين تفيد معنيين المعنى الأول التحقيق والمعنى الثاني التقريب التحقيق والتقريب ومنه ما يكون شركا أو كفرا حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية. Et donc, Cheikh nous explique le sens du verset, très belle faïda, وَذَرُوا, lorsqu'il est dit, et ceux qui font l'irhad, Allah nous dit, laissez-les. C'est dans le sens, écartez-vous-en, mais laissez-les. Laissez-les. Et Dharu, c'est faire ou amr, c'est un impératif. Allah nous dit, laissez-les. Wal murad bihi tahdid. Et c'est comme si cela est une menace du Créateur, d'Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, c'est dans le sens, wa dharu alladina utrukuhum, laissez-les. Ana wa aqibuhum. C'est moi qui les punirai. Dans ce sens-là, laissez-les. C'est moi, dans le sens, le Créateur nous dit, ana wa aqibuhum. C'est moi qui les وعاقبهم, c'est le fait de punir. وَلِهَذَا قَالَ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, ils sont rétribués pour ce qu'ils faisaient. C'est pour cela que le fait d'appeler le Créateur par d'autres noms, c'est considéré comme du ilhad. Le fait de nier ces noms, comme on a dit, les quatre choses qu'on va revoir, à la base c'est interdit. Al-Asl, Cheikh Al-Afay nous dit à la base, c'est quelque chose d'interdit concernant les noms divins. وَقَدْيَكُونُ شِرْكًا, et parfois ça peut être du shirk. وَقَدْيَكُونُ كُفْرًا, et parfois ça peut être du kufr. حَزْبَ مَا تَقْتَضِيهِ الْأَدِلَّةُ شَرَعِيَّةُ حَزْبَ مَا, et cela est lié aux indications des textes religieux. On reprend en résumé les quatre, puisque là on a fini la règle. On a fini la septième règle, on a fini l'explication. Alhamdulillah. Et ensuite, après celle-ci, on a dit commencent les règles concernant les attributs. Les attributs divins. Et donc là, dans la prochaine assise, on commencera la première règle. La première règle concernant les attributs divins. Pourquoi ? Parce que ça sera qawaid fi sifatillahi ta'ala. Commenceront les règles concernant les attributs. On reprend les quatre. On reprend donc, en résumé, la première sorte de ilhad. Donc ce qui est interdit aux croyants et aux croyantes concernant notre croyance au nom d'Allah. Donc tout simplement, les croyants et les croyantes croient et affirment les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, il y a des choses qui nous sont obligatoires. Il y a des choses qui nous sont obligatoires. Premièrement, de ne pas nier. De ne pas nier les indications, de ne pas nier les noms et ce qu'ils indiquent. De ne pas nier les noms et ce qu'ils indiquent. On a dit que c'était la première chose. Ça, c'était lié à la doctrine des négateurs, ceux qui ont nié les noms. Les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'auteur nous dit que la négation des noms, fait partie de l'ilhad, le fait de nier une partie des noms ou de ce qu'ils signifient comme attribut et jugement. Donc le fait de nier les noms ou bien ce qu'ils indiquent comme attribut, le fait de nier ces attributs, c'est du ilhad. L'auteur considère et nous explique que cela est du ilhad. Et ça, c'était connu lorsque émergea, on avait dit, la doctrine de Al-Jahmiya, la doctrine de Al-Jahmiya, qui était négateur des noms. Donc ils ont nié catégoriquement les noms divins, les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, la deuxième, eux, les premiers, la doctrine Jahmiya, lorsqu'ils sont apparus, eux, c'était pour, parmi les prétextes de ceux qui ont nié les noms, et plus tard, ceux qui viendront, qui eux affirmeront les noms, mais vont nier les attributs indiqués par ces noms, eux prétexteront en disant, si on affirme ces attributs-là, c'est remettre en cause la perfection du Créateur. Pourquoi ? C'est faire ressembler le Créateur à ses créatures. Et c'est donc comparer le Créateur à ses créatures. Pour cela, beaucoup ensuite, des doctrines dans les premiers siècles sont apparues et ont émergé dans le monde musulman. Pourquoi ? Parce qu'ils ont dit, justement, eux ont pensé que pour attribuer la perfection d'Allah, c'est de nier les attributs d'Allah. C'est de nier les attributs d'Allah. Et donc, pour eux, affirmer les noms d'Allah et donc les attributs que ces noms indiquent, pour eux, c'était comparer les créatures au Créateur. Et donc pour cela, ils ont nié les attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Alors qu'on avait dit qu'au contraire, pour affirmer la perfection d'Allah et attribuer la perfection à Allah, il faut croire en ses noms et affirmer les attributs de perfection. Pourquoi ? Parce que comme on verra dans la règle qu'on apprendra demain, Inch'Allah, ça nous le permet, c'est que tous les attributs d'Allah, azzawajal, sont parfaits. Ce sont des attributs de perfection. Les attributs de perfection. Et on ne peut attribuer la perfection quand Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'en affirmant les attributs du Créateur subhanahu wa ta'ala. A l'inverse, pour comprendre la deuxième sorte maintenant, d'autres sont apparus et ont affirmé les attributs. Ont affirmé les noms, les attributs, sauf que eux ont comparé le Créateur. Pour eux, ces attributs-là sont comparables aux attributs des créatures. Donc ils ont comparé le Créateur aux créatures. Et c'est ça la deuxième sorte que l'auteur dit que c'est du ilhad aussi. Donc le fait de nier, en disant on ne peut pas affirmer des attributs, on ne peut pas affirmer ses noms, et les attributs qui en découlent, parce que ça serait comparer le Créateur à la créature, c'est du ilhad. Deuxième sorte, le fait de les affirmer, en comparant le Créateur à la créature, ça aussi c'est du ilhad. C'est du ilhad. Comme il est dit, pourquoi c'est du ilhad ? Pourquoi le fait de comparer le Créateur aux créatures, c'est considéré comme du ilhad ? An man ya'taqida anna asma Allah subhanahu wa ta'ala dallatun ala tamthilillahi bi khalqi faqad akhrajaha an madluliha. Pourquoi ? Parce que celui qui considère al-ilhad, ça consiste aussi à détourner le sens qu'impliquent les noms. Donc celui qui considère que affirmer les noms divins et les attributs, c'est donc, comparer le Créateur aux créatures, ça c'est du ilhad. Pourquoi ? Parce que c'est détourner le sens qu'impliquent les noms. C'est détourner les noms des sens qu'ils impliquent. C'est pour ça, man ya'taqida anna asma Allah subhanahu wa ta'ala dallatun ala tamthilillahi bi khalqi faqad akhrajana min madluliha. Donc celui qui pense que les affirmer, c'est comparer le créateur à la créature, c'est qu'on a sorti, détourné le sens indiqué par ces noms, ce qu'ils indiquent. En fait, ils indiquent la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Exactement. Laysa kamithlihi shay, wa huwa as-sami'u al-basir, wa huwa as-sami'u al-basir. Par exemple, celui par exemple qui dit Allahu as-sami'u bila sama' wal basir bila basar. Celui par exemple qui croit en nom mais qui nie les attributs par exemple. Ou qui croit en nom ou bien qui nie totalement les noms et les attributs aussi. En disant que si on affirme cela, c'est comparer le créateur à la créature. En disant que c'est du tashbih. Alors c'est comme si qu'ils disent, ils prétendent, que dans le Coran, il y a du tashbih. Puisque c'est cité dans le Coran. C'est Allah qui dit, « Wa huwa sami'u al-basir ». C'est Allah qui dit. Celui, par exemple, qui dit le fait qu'Allah, Jalla wa ala, le fait d'affirmer qu'Allah est élevé au-dessus de son trône. Allah nous dit dans plus de sept passages du Coran, « Ar-Rahman ala al-arshi istawa ». Le miséricordieux, c'est établi, élevé au-dessus de son trône. Celui qui nie cela, on lui demande pourquoi nies-tu cela ? Parce qu'il dit c'est pas possible. Là, vous comparez le créateur à la créature. On ne peut pas affirmer un mouvement. Ils vont dire au créateur, or al-istiwa, ça sous-entend qu'il y ait mouvement. Et on ne peut pas affirmer cela pour le créateur. Et donc pour eux, si on affirme cela, c'est de l'anthropomorphisme. C'est comparer le créateur à la créature. Alors on lui dit, donc, tu prétends que dans le Coran, il y a de l'anthropomorphisme, puisque c'est dit dans le Coran. Et nous faisons que répéter ce qui est dit dans le noble Coran. Et lorsque vous répétez ce qui est dit dans le noble Coran, il va te dire, c'est du kufr. Le négateur de la tribu va te dire, tu n'as pas le droit de dire ça, car là, il est élevé au-dessus de son trône. Alors la parole du prophète lorsqu'il dit à la servante « Aïn Allah ?» Elle lui dit « Fis Sama ?»« Où est Allah ?» Elle lui a dit « Dans les cieux, au-dessus des cieux. »« Qui suis-je ?» Elle lui dit « Tu es le messager d'Allah. » Le prophète a dit qu'elle était une croyante. Pour eux ça, de dire « Aïn Allah ?» c'est interdit. C'est du kufr. Pourtant le prophète, sallam, il est rapporté dans le récit authentique qu'il a interrogé la servante. Et qu'elle répondit « Et dans le Coran, Allah le dit. S'ils disent oui, malistiwa bimarnastaoula. S'ils falsifient. En disant, alistiwa, c'est pas le fait de s'élever au-dessus de son trône, c'est le fait de dominer. C'est dans le sens de istaoula. Allah a dominé. D'accord. Natalaz al-ma'aoum. Alors qu'est-ce qu'on dit du verset? A'amintum man fis sama. Êtes-vous à l'abri de celui qui est dans les cieux? Là, le verset est clair. Allah dit, A'amintum man fis sama, A'amintum man fis sama. Allah dit, est-ce que vous êtes à l'abri de celui qui est dans les cieux? A'amintum man fis sama. Donc là, ils ne peuvent pas rétorquer que fis sama bimarnes taoula. Dominer. Le sens est clair. Et des preuves, on en a dit qu'il y en a énormément qui prouvent l'élévation, sifat al-ulu, dans le Coran. On avait dit l'élévation de Isa alayhi salam, bal rafa'ahu Allahu ilayhi. On avait dit le fait qu'Allah a dit qu'il a fait descendre le livre, Laylat al-Qadr. Inna anzalnahu fi Laylat al-Qadr. Allah l'a fait descendre le livre. Donc s'il l'a fait descendre, il est descendu d'en haut, le livre. Allah nous parle de l'ascension des anges. Ta'arujul mala'ikatu. Les anges montent vers lui. Allah nous parle de la bonne parole. Ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyib. La bonne parole, Allah nous dit, elle monte vers lui. La bonne parole, elle monte vers lui. Ce qui prouve l'élévation. Ce qui prouve, vous avez vu, les preuves sont nombreuses. Allah nous dit, Sabbih isma rabbika al-a'la. Glorifie le nom de ton Seigneur, le plus haut. Allah nous dit, وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. Allah est le plus haut. Parmi ses noms divins, on a dit Al-Ali. Ça veut dire quoi Al-Ali? C'est celui qui est le plus haut. سُبْحَانَهُ Ta'ala. Vous avez vu les preuves dans le Coran et la Sunna sont nombreuses concernant l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc attribuer l'élévation d'Allah, en aucun cas, si on attribue al-istiwa, cet attribut-là, en aucun cas on compare le créateur à la créature. Et celui qui prétend dire que Al-Istiwa, si on l'affirme, c'est comparer le créateur à la créature et faire ressembler le créateur à la créature, c'est comme s'il prétend que dans le Coran, il y a du tashbih et du tamthil. Or, Allah nous dit dans le Coran, Laysa kamithlihi shay. Rien n'est comparable à lui, subhanahu wa ta'ala. On termine juste avec ça, une très belle faïda. Donc le fait de penser que affirmer les noms d'Allah, ce que ces noms indiquent, il y a du tamthil, c'est faire ressembler le créateur à ces créatures, alors c'est le fait de les détourner, de détourner de leur sens qu'ils indiquent. وَمَلَ بِهَا عَنِ الْإِسْتِقَامَةِ. Et donc, c'est comme si la personne s'est mal, il a penché, il a dévié de l'istiqama, de la droiture, il a dévié de la droiture. فَدِعَ عَلَى كَلَامُ اللَّهِ وَكَلَامُ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَلَّ عَلَى الْكُفْرِ. Et donc, regardez, une très belle parole, savant qui disait, les savants, ils disaient, et c'est comme si qu'il dit donc que les indications, parce que s'ils considèrent, et on considère, quel est le jugement de comparer le créateur aux créatures ? Lorsqu'on dit comparer, c'est-à-dire d'assimiler, de dire que le créateur est comme les créatures. Les attributs du créateur sont comme les attributs des créatures. C'est haram. C'est interdit, déconseillé, ou bien c'est du shirk, c'est du kufr. C'est du kufr. C'est du shirk. C'est pas juste haram. Hada kufrun, shirkun. Donc la personne qui dit affirmer donc les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça serait comparer le créateur aux créatures. Donc il y a, ça veut dire du temthil. Il y a de la comparaison dans Kalam Allah. Les savants, regardez ce qu'ils disent, ça veut dire qu'ils considèrent que dans la parole d'Allah, il y a de la comparaison. Penser que dans la parole d'Allah, il y a du tamthil, ils disent que c'est du kufr. فَهَدَ يَدُلُّ إِذَا قُلْتَ بِأَنَّ إِثْبَاتَ الْأَسْمَى وَالصِّفَاتِ فِيهِ تَشْبِهِ فَهَدَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّكَ تَقُولُ وتعتقد بأن في كلام الله تشبيه ومن اعتقد أن في كلام الله تشبيه فهذا كفر فهذا كفر. En arabe c'est plus, on traduit à chaque fois en français, mais c'est pas le, ça pas le même sens ou portée, arsens, ça pas la même portée. En arabe la parole elle est claire. Une personne nous dit par exemple fi ithbat al-asma wa sifat fi tamthil. La personne te dit non, dans l'affirmation des, tu dis pourquoi nies-tu les noms divins, les attributs divins? Non, parce qu'il y a du tamthil, anta mumathil, tu es un mushabbi, anta wahhabi. Taïb, qu'est-ce que le wahhab a à voir dans ithbat al-asma wa sifat? Il n'était même pas né que déjà les ulama, ils ont écrit وَكَانُوا يَرَدُّونَ عَلَى الْجَهْمِيَا الْإِمَامُ الْبُخَارِي. Il a rad dans son kitab al-Bukhari, il y a un chapitre rad عَلَى الْجَهْمِيَا. Et il a un chapitre, le dernier, kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité. Le livre de l'unicité, c'est pour réfuter les négateurs, al-Tarté des attributs. L'authentique d'Ibn Khuzaïma, aussi, dedans. Et tous les livres qui se sont faits dans les premiers siècles, alors que ce shirk-là n'est apparu que dans le 12e siècle. Alors qu'avant, il y a déjà le livre Kitab al-Ajuri, Kitab al-Sharia, un grand livre dans la croyance célèbre de l'imam al-Ajuri, qui est une référence. Kitab al-Sharia tiqadi ahl-sunati wal-jama'a l'imam al-Lalaka'i, qui était déjà paru et écrit. Le Kitab al-Sharia, Kitab al-Fiqh al-Akbar, Kitab al-Iman, Kitab Sharh al-Sunnah. Tous ces livres-là, fi ulum al-aqida, et sans compter des poèmes comme al-ha'iya et autres. L'auteur, pourtant, ces questions-là étaient traitées. Déjà, il parlait de l'affirmation des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si le négateur te dit, affirmer. Tu lui dis, pourquoi n'affirmes-tu pas les noms et les attributs d'Allah? Il te dit, non, parce que vous êtes des anthropomorphistes. Vous comparez les créatures à le créateur aux créatures. Donc tu lui dis, donc pour toi, nous ne faisons que répéter la parole d'Allah. Pour toi, donc, dans la parole d'Allah, il y a de l'anthropomorphisme. S'il dit oui, hada kufr. C'est hada kufrun. فجعل كلام الله كلام رسوله صلى الله عليه وسلم دل على الكفر لأن تمثيل الله بخلقه كفر لكونه تكذيبا. Donc s'il pense que la parole d'Allah et de son messager indique de l'anthropomorphisme, alors هذا هو الكفر لكونه تكذيبا. Et pourquoi aussi c'est considéré comme du kufr? Parce que c'est comme si qu'il démentit la parole « Laysa kamithlihi shay » « Il n'y a rien qui est comparable à lui. »« Il n'y a rien qui est comparable à lui. » Et c'est ajib parce que c'est comme si, pour les négateurs, vous citez des versets du Coran, en fait c'est comme s'ils disent non. Vous lui dites « Wa kallama Allahu Musa takliman » et Allah a parlé à Moussa. Allah a bien parlé à Moussa. Oui, donc Allah parle. Non. Tu n'as pas le droit d'affirmer l'attribut de la parole. Tu dis pourquoi? Parce que sinon tu fais ressembler le créateur aux créatures. Parce que les créatures parlent. Et ils ont l'attribut de la parole. Donc tu ne peux pas l'attribuer au créateur. Mais Allah a dit, wa kallama Allahu Moussa takliman. Et donc, on voit que eux, avant de nier, ils se sont imaginé le comment de la tribu. Et ils se sont imaginés un temthil. Ils ont fait du temthil, ensuite ils ont nié. C'est des étapes. Tandis que les gens de la sunna, la bonne croyance saine, c'est le fait d'affirmer ce qui est dit dans le Coran sans chercher le comment. Et sans s'imaginer le comment. La parole du Créateur, subhanahu wa ta'ala, il parle comme il convient à sa majesté, à sa magnificence. Subhanahu wa ta'ala. Rien n'est comparable à lui. C'est une parole dont on ne connaît pas le comment. Le comment, on ne sait pas. On ne se l'imagine pas. On ne cherche pas comment. Allah Jalla wa Ala. Mais ce qu'on sait, on sait qu'Allah parle. Quand il le veut, de ce qu'il veut. Bimasha, matasha, subhanahu wa ta'ala. Allah peut parler quand il le veut, de ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Comme il sait à sa majesté, c'est-à-dire comme il convient à sa majesté, à sa magnificence, subhanahu wa ta'ala, wa laysa kamithlihi shay, wa huwa as-sami'u al-basir, wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, wa alihi wa sahbihi ajma'in, subhanaka allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Et de là, on a fini la septième règle, et on commencera demain, si Allah nous le permet, inshallah, sur les règles concernant